Exercice spirituel de Saint Ignace de Loyola, traduit sur le texte espagnol par le Père Pierre Génésot. Seconde semaine, quatrième jour. Méditation de deux étendards, l'un de Jésus-Christ, notre chef souverain et notre Seigneur, l'autre de Lucifer, ennemi mortel de la nature humaine. Note. De deux étendards. Le texte espagnol, que nous avons pris à cœur de reproduire aussi fidèlement que possible, ne dit point « des deux étendards », mais « de deux étendards ». En voici peut-être les raisons. Premièrement, ce n'est que par figure que cette méditation nous est proposée sous la forme de deux étendards. Le sens serait donc « méditation comme de deux étendards ». Secondement, et cette raison est la principale, cette méditation, dans l'intention de Saint Ignace, est une introduction et une invitation à la perfection, c'est une esquisse de la vie sublime des conseils évangéliques, et spécialement de la vie apostolique, et par conséquent ne regarde pas simplement tous les hommes. Car quoique, dans un sens plus étendu, tous les hommes, appartiennent à l'un des deux partis, à celui de Jésus-Christ ou à celui de Lucifer, cependant, dans un sens plus strict, tous les hommes, absolument parlant, ne combattent pas sous l'étendard de Jésus-Christ, ou sous celui de Lucifer. Il n'y a, d'un côté, que ceux qui suivent ouvertement Satan, et particulièrement les hommes, impies qui, en qualité de ses satellites, conspirent par leurs actions et par leurs discours à la perte des âmes, de l'autre, que ceux qui ont choisi Jésus-Christ pour chef, et le suivent, non comme la plupart des hommes, se contentant de l'observation des préceptes, mais d'une manière parfaite, par la pratique des conseils évangéliques, et plus spécialement encore ceux qui, en qualité de ministre de Jésus-Christ, coopère au salut des âmes. Nous ne nierons pas cependant que l'on ne puisse proposer cette méditation aux simples fidèles, car il est utile à tous ceux qui sont capables de la comprendre, de connaître les ruses du démon et le véritable esprit de Jésus-Christ, opposé à l'esprit du monde, afin que ceux qui ont déjà embrassé, ou qui se déciderait à embrasser un autre état que celui de la perfection, puisse acquérir la perfection propre de leur état. Voir le nota précédent. Fin de la note. L'oraison préparatoire est toujours la même. Le premier prélude consiste à se rappeler le fait historique de la méditation. Ici c'est, d'un côté, Jésus-Christ qui appelle tous les hommes, et veut les réunir sous son étendard, de l'autre, c'est Lucifer qui les appelle sous le sien. Le second prélude est la composition de lieu. Ici, on se représentera une vaste plaine près de Jérusalem, au milieu de laquelle se trouve notre Seigneur Jésus-Christ, chef souverain de tous les hommes, vertueux, et une autre plaine près de Babylone, où est Lucifer, le chef des ennemis. Note. Le chef des ennemis. Saint Ignace donne à Lucifer le nom de chef, et à Jésus-Christ celui de capitaine général. Le premier titre ne marque pas toujours un pouvoir très étendu, on dit le chef de la famille, de plus, il se prend quelquefois en mauvaise part, un chef de secte, de faction, de voleur. Le second, au contraire, n'est jamais employé que dans un sens honorable, il suppose toujours, dans la personne qui en est revêtue, une autorité légitime, et désigne un chef suprême militaire. Nous regrettons de n'avoir pu conserver cette distinction dans notre traduction. Fin de la note. Le troisième prélude consiste à demander ce que je veux obtenir. Dans cet exercice ce sera, premièrement, La connaissance des ruses du chef des méchants est le secours dont j'ai besoin pour m'en défendre. Secondement, la connaissance de la véritable vie, qui nous est montrée par le chef souverain et légitime, est la grâce nécessaire pour l'imiter. Note. Puisque cette méditation est, dans l'intention de l'auteur des exercices, une invitation à la vie parfaite et surtout à la vie apostolique, on se demandera peut-être pourquoi il ne nous ordonne pas de demander aussi dans ce prélude le zèle des âmes. Je réponds, premièrement, que cette même méditation est en effet une invitation à la vie apostolique, mais qu'elle n'est pas proposée uniquement à ceux qui sont appelés à la vie apostolique, qu'elle est même, par sa destination première, une introduction à l'élection, ou à la réforme de l'état de vie que l'on a déjà embrassé. Secondement, il est vrai qu'en faisant cette méditation, on se sentira ordinairement embrasé de zèle pour le salut des âmes, cependant le fruit prochain, immédiat, que nous devons demander est ici, comme dans les exercices précédents, cette double grâce de l'entendement et de la volonté, grâce de lumière, qui nous fait comprendre la vérité que nous méditons, grâce de force, qui nous fait haïr ou aimer, rejeter ou embrasser un objet. Quant au fruit spécial de la méditation présente, déjà renfermé dans la demande du troisième prélude, il est plus clairement exprimé dans le colloque, et c'est l'amour de la pauvreté et des mépris. Parce que cette disposition est nécessaire à tous ceux qui désirent faire une bonne élection, ou se disposer, par la réforme de leur vie, à acquérir la perfection dans l'état qu'ils auraient ou devraient embrasser, surtout si cet état était celui de la vie apostolique. C'est une belle pensée de saint Ignace, d'opposer aux ruses de Satan la véritable vie, dans la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Car toutes les promesses de Lucifer sont séduction et artifice, elles conduisent à la mort. Mais Jésus-Christ est la vérité et la vie, et ses promesses ne nous sont offertes qu'à fin, ce sont les paroles même du Sauveur, que nous y trouvions la vie et une abondante vie. Jean 10, 10. Fin de la note. Dans le premier point, je me représenterai le chef du parti ennemi dans cette vaste campagne de Babylone, assis dans une chaire élevée, toute de feu et de fumée, sous des traits horribles et d'un aspect épouvantable. Note. Dans une chaire élevée, toute de feu et de fumée. Le trône du chef des démons est de feu et de fumée. Rien de stable, point de véritable grandeur. Mes agitations perpétuelles, ténèbres épaisses, troubles sans fin, peinture fidèle de l'esprit mauvais tel qu'il est, mais non tel qu'il se manifeste aux hommes. Irréconciliable ennemi de notre nature, il prend les dehors d'un ami, il dissimule ses desseins perfides, il étale l'apparence trompeuse des richesses, des honneurs, et le reste. Mais, quelque habile qu'il soit dans l'art de feindre, il se trahit lui-même par les effets que ses opérations secrètes produisent dans les âmes. Ces effets sont en harmonie avec le portrait du séducteur. Babylone, c'est la ville de confusion, un trône, c'est l'orgueil, le feu, c'est l'agitation incessante, la fumée, ce sont les ténèbres, l'ensemble, c'est l'horreur, et l'horreur qui va jusqu'à la terreur, expression qu'il ne faut pas confondre. Le portrait de Jésus-Christ est bien différent. Confrontez avec ce passage les règles du discernement des esprits. Voir ci-après. Fin de la note. Dans le second point, je considérerai comment il appelle autour de lui des démons innombrables, comme il les répand, les uns dans une ville, les autres dans une autre, et ainsi dans tout l'univers, n'oubliant aucune province, aucune condition, aucun lieu, Aucune personne en particulier. Note. Les uns dans une ville. Cette énumération marque bien le zèle diabolique de Lucifer à distribuer ses émissaires innombrables dans tous les endroits de l'univers, son attention calculée à tenter tous les hommes, et non seulement à n'en oublier aucune classe, mais à ne laisser échapper individuellement personne dans toutes les classes. En sorte qu'il n'est rigoureusement aucun homme, dans quelque état, dans quelque endroit du monde que ce puisse être, qui ne doive être continuellement sur ses gardes, éveillé sans cesse sur lui-même. Fin de la note. Dans le troisième point, j'écouterai le discours qu'il leur adresse, comme il leur ordonne avec menace de jeter des filets et des chaînes. Ils doivent tenter les hommes, en leur inspirant d'abord le désir des richesses, comme il fait le plus souvent lui-même, afin de les conduire plus facilement à l'amour du vain honneur du monde, et de là à un orgueil sans bornes. De sorte que le premier degré de la tentation, ce sont les richesses, le second, les honneurs, le troisième, l'orgueil, et de ces trois degrés il porte les hommes, à tous les autres vices. Note. Comme il leur ordonne avec menace. Textuellement, comme il les admoneste. Ce mot paraît exprimer la rage de Lucifer et la dureté de son commandement. C'est ainsi qu'il convient au chef des démons de parler à ses sujets. Il est vrai que déjà le désir de nuire est allumé dans leur cœur par une haine implacable, mais Lucifer ne dit jamais « c'est assez ». Il enflamme donc de plus en plus ce désir par des remontrances et des menaces. Vous voyez dans Lucifer un tyran, il convoque tumultueusement une assemblée, il prépare des filets et des chaînes, il harangue avec dureté ses suppôts, il leur ordonne de tenter tous les hommes, tout respire la tyrannie et la violence. Jésus-Christ au contraire est un roi pacifique, ses paroles, sa démarche, ses traits, tout en lui est aimable. Note. Un orgueil sans bornes. Textuellement, un grand orgueil, un orgueil accru, devenu grand par de nouveaux accroissements. L'ancienne version manuscrite porte un orgueil arrogant. L'orgueil est donc le dernier degré, ou le terme de la tentation. Le second degré n'est pas, à proprement parler, le désir immodéré des honneurs du monde, ce désir immodéré dit trop, et ne se distingue pas assez de l'orgueil, c'est un désir simplement, un certain désir du vain honneur du monde, désir que les richesses, ou le premier degré de tentation, font naître naturellement dans nos cœurs. Le moyen de séduction employé par Lucifer consiste donc à nous porter au désir plus ou moins vif, à la recherche plus ou moins empressée d'objets en eux-mêmes indifférents, tels que sont les richesses et les honneurs, mais dont la passion est toujours dangereuse et souvent mortelle. Car il est certain que quiconque se laissera dominer par cette passion, dans quelque état qu'il se trouve, éprouvera bientôt dans son cœur, comme ayant placé Satan dans le camp de Lucifer, le trouble, les ténèbres, l'agitation, la confusion, l'effroi. S'il est dans l'état de perfection, il l'abandonnera, s'il est dans l'état ordinaire, jamais il n'y deviendra parfait. C'est donc avec justesse que Saint Ignace donne aux richesses et aux honneurs les noms de filets et de chaînes. De plus, Lucifer nous montre ses biens passagers et trompeurs sous l'apparence de biens véritables, et, quoiqu'il ne soit nullement en son pouvoir de les donner aux mortels, ou ne leur en faciliter l'acquisition, il ne laisse pas d'exciter en eux un désir qui devient enfin si vif, une soif si ardente de ses biens, qu'ils se persuadent, pour leur tourment, qu'ils ne peuvent manquer d'obtenir bientôt l'objet de leurs vœux les plus passionnés, pourvu qu'ils ne se manquent pas à eux-mêmes. Que celui qui fera cet exercice considère attentivement l'étrange aveuglement des hommes. L'expérience funeste de tant de siècles, attestée par les monuments les plus authentiques, des millions d'infortunés que Satan a séduits et trompés, ne suffisent pas pour leur faire connaître ses artifices. Sans cesse ils continuent à désirer et à poursuivre ces biens trompeurs, comme les seuls véritables, souvent sans succès, et sans autre résultat que de se laisser envelopper dans les filets et dans les chaînes de leurs ennemis, qui les entraînent à leur perte éternelle. Fin de la note. À l'opposé, on se représentera également le chef souverain et véritable, qui est Jésus-Christ, notre Seigneur. Dans le premier point, je considérerai comment Jésus-Christ se tient en un lieu humble, dans une vaste plaine des environs de Jérusalem, beau et plein de grâce. Dans le second point, je considérerai comment le Seigneur du monde entier choisit un si grand nombre de personnes, les apôtres, les disciples et tant d'autres, et comment il les envoie dans tout l'univers répandre sa doctrine sacrée parmi les hommes, de tous les âges et de toutes les conditions. Note. Les apôtres, les disciples. Saint Ignace ne fait pas mention des bons anges que Jésus-Christ envoie pour exercer auprès des hommes un ministère de salut, et que nous pouvons croire, sans aucun doute, plus nombreux que les émissaires de Satan. Il est vrai que, s'il en était parlé dans cet endroit, le second point de cette seconde partie répondrait d'une manière plus complète au second point de la première, mais le but direct de cet exercice ne le demandait pas. Cependant, rien ne nous empêche d'opposer la mission des bons anges à celle des mauvais anges, cette considération est toute de nature à augmenter le courage des hommes, apostoliques. On pourra de même, dans le second point de la première partie, se représenter combien il se trouve parmi les hommes, d'affidés de Satan, d'auxiliaires des démons dans leur expédition vraiment infernale. Mais, si nous méditons sur les anges que notre Seigneur envoie travailler au salut des âmes, il faudra se rappeler et leur appliquer ce qui a été dit des mauvais anges dans la première partie, qu'ils sont envoyés à tous les hommes, en sorte que pas un seul ne soit privé de leur secours, ce que Saint Ignace ne pouvait dire en ne parlant que des hommes, choisis par Jésus-Christ pour cette entreprise. Cette observation est nécessaire, afin de repousser jusqu'à la première idée d'une pensée que l'on ne peut pas même envisager et qui représenterait le démon plus actif à perdre les hommes, que le Fils de Dieu à les sauver. Fin de la note. Dans le troisième, j'écouterai le discours que Jésus-Christ, notre Seigneur, adresse à tous ses serviteurs et à tous ses amis qu'il envoie à cette expédition. Note. Expédition. Terme de guerre, aussi bien que celui de journée qui est textuel, l'ancienne version manuscrite dit légation ou ambassade. Nous sommes les ambassadeurs de Jésus-Christ, et c'est Dieu qui vous parle par notre bouche, écrivait saint Paul aux Corinthiens. 2 Corinthiens 5, 20. Fin de la note. Il leur recommande d'aider tous les hommes, en les attirant premièrement à une entière pauvreté spirituelle, et non moins à la pauvreté réelle, si la divine majesté l'a pour agréable et veut les appeler à cet état, secondement, au désir des opprobres et des mépris, parce que de ces deux choses naît l'humilité. De sorte qu'il y a, comme au troisième point précédent, trois degrés, le premier, la pauvreté opposée aux richesses, le second, les opprobres et les mépris opposés à l'honneur du monde, le troisième, l'humilité opposée à l'orgueil, et de ces trois degrés ils porteront les hommes, à toutes les autres vertus. Note. Il leur recommande d'aider tous les hommes, il leur recommande. Langage bien en rapport avec la douceur du Sauveur des hommes, il pouvait ordonner, il recommande. et plus bas, de les attirer. Comment? Avec douceur, par la persuasion. Les satellites de Lucifer, qui ne présentent aux hommes que les amorces séduisantes des sens, les prennent, comme des animaux privés de raison, dans des pièges, des filets, des chaînes, mais les disciples de Jésus-Christ, qui ont pour but d'éloigner les hommes des objets sensibles, pour les porter aux choses spirituelles, doivent les attirer et les persuader par la raison. Mais quels seront leurs arguments? Ils leur exposeront les principes de la méditation fondamentale, les méditations de la première semaine, et surtout ils leur développeront les raisons que l'on peut tirer des exercices que nous avons déjà médités dans cette seconde semaine, sur la personne et les exemples du Sauveur. Voyez, du reste, un contraste frappant entre le portrait de Jésus-Christ et celui de Lucifer. Lucifer est horrible et épouvantable, Jésus-Christ est beau et aimable. Celui-là convoque tumultueusement ses satellites, celui-ci choisit avec calme des disciples et des amis. Celui-là disperse les siens, celui-ci les envoie. Celui-là avertit avec menace, commande de tenter, veut que l'on prépare des filets et des chaînes, celui-ci recommande de vouloir aider tous les hommes, en les persuadant par la douceur. De quel doux éclat ne brille pas la bénignité et l'humanité du Sauveur, mis en parallèle avec la tyrannie de Lucifer? On peut le dire, Saint Ignace ne s'est pas contenté de nous donner une idée parfaitement juste de l'esprit de Lucifer et de celui de Jésus-Christ, il nous en a fait deux tableaux. Note. À une entière pauvreté. Saint Ignace s'attache à nous recommander de porter tous les hommes à une parfaite pauvreté spirituelle, comme il prescrit, dans le colloque, à celui qui fait les exercices, de la demander. La parole du Seigneur est véritable. Si quelqu'un d'entre vous ne renonce pas, au moins d'affection, à tout ce qu'il possède, absolument à tout, sans excepter aucune chose à laquelle le cœur puisse conserver quelque attache, il ne peut être mon disciple. Luc 14, 33. La pauvreté parfaite, au moins d'esprit, est l'unique préservatif, la seule défense assurée contre la séduction de richesse. Il ne suffit pas de n'être point avare, il faut haïr l'avarice, dit l'Écriture, si vous ne voulez pas, au moment de la tentation, et dans les occasions dangereuses, demeurez pris à ce piège de Satan. De plus, cette méditation est comme une introduction à la vie apostolique. Or il est souverainement important que celui qui se sent appelé à un genre de vie aussi sublime, ait une idée bien juste de la doctrine de Jésus-Christ sur la pauvreté parfaite, au moins affective, et qu'il se persuade que si cette vertu est nécessaire à tous les hommes, elle ne l'est à personne plus qu'à lui, que par conséquent il ne doit respirer qu'elle, et s'en pénétrer tout entier. Sans elle, personne ne peut être le disciple de Jésus-Christ, comment pourrait-on être l'apôtre? Note. Si la divine majesté l'a pour agréable. Ici encore, ainsi que dans le colloque, la demande de la pauvreté actuelle ou effective est conditionnelle. L'élection n'est pas encore faite, et par conséquent la vocation divine n'est pas encore censée connue. Fin de la note. Dans un premier colloque, je demanderai à Notre-Dame qu'elle m'obtienne de son Fils et Seigneur la grâce d'être reçu sous son étendard, premièrement, par la parfaite pauvreté spirituelle, et même, si la Divine Majesté l'a pour agréable, et veut me choisir et m'admettre à cet état, par la pauvreté réelle, secondement, en souffrant les opprobres et les injures, afin de l'imiter en cela plus parfaitement, pourvu que je puisse les souffrir sans péché de la part du prochain, et sans déplaisir de sa divine majesté. Je terminerai ce colloque par le « Je vous salue Marie ». Note. Dans la contemplation du règne de Jésus-Christ, nous nous offrons à la pauvreté et au mépris, ici nous les demandons comme une grâce. Note. Pourquoi ne nous enseigne-t-on à demander dans ce colloque que les deux premiers degrés de la perfection, la pauvreté et les mépris? Pourquoi ne demandons-nous pas aussi le troisième, ou l'humilité? Je réponds que l'humilité est un fruit qui croît sur le mépris et la pauvreté. Or, et cette remarque n'est pas sans importance, l'humilité est pour celui qui la possède le bien le plus doux, mais il n'en est pas de même de l'exercice de la pauvreté et du mépris qui conduit à l'humilité. Rien au contraire ne répugne à notre nature comme la pratique de ces deux vertus. C'est par conséquent sur la demande de ces deux vertus que nous devons surtout insister. Il nous est plus nécessaire de demander de pratiquer tes moyens de la vertu, je veux dire de souffrir la pauvreté, et d'endurer les mépris, que de désirer et de demander la fin, ou la vertu elle-même, c'est-à-dire l'humilité. Et, en général, il n'est point de voie plus efficace pour acquérir la perfection d'une vertu que d'estimer, que de rechercher, que d'aimer, et à raison de cette estime et de cet amour, de demander à Dieu le travail qui doit nous mettre en possession de cette vertu, plutôt que la vertu et de même, les combats plutôt que la victoire. J'ajoute que les pieux désirs de la vertu sont souvent sujets à l'illusion, jamais le désir des combats nécessaires pour devenir vertueux. Rien donc de plus sage que la vie qui nous est donnée dans ce colloque par le saint auteur des exercices. Fin de la note. Dans le second colloque, je m'adresserai à notre Seigneur Jésus-Christ, pour qu'il m'obtienne de Dieu le Père la même grâce, et je réciterai la prière âme du Christ. Dans le troisième colloque, je demanderai la même grâce à Dieu le Père, le suppliant de me l'accorder lui-même, et je réciterai le Notre Père. Cet exercice se fera une première fois au milieu de la nuit, et une seconde fois le matin. On en fera deux répétitions, l'une à l'heure de la messe, et l'autre à l'heure de vêpres, toujours en finissant par les trois colloques à Notre-Dame, au Fils et au Père. L'exercice suivant, appelé des trois classes d'hommes, se fera avant le souper. Note. Cet exercice doit donc se faire quatre fois dans la journée, et toujours en finissant par les trois colloques. On peut juger par là de l'importance qui attachait saint Ignace. Fin de la note. Le même jour on fera la méditation des trois classes d'hommes, pour se déterminer à suivre la plus parfaite. Note. De trois classes d'hommes. De trois binaires d'hommes, disent le texte espagnol et l'ancienne version manuscrite, et plus bas le mot de classe est toujours rendu par binaire. Il s'agit donc de classes dont chacune est composée de deux. Et comme l'exemple est tiré du commerce, ce sont deux associés, cette précision sert à fixer l'imagination. Le but de cette méditation est de vaincre la répugnance de la volonté, et de se préserver de l'illusion de croire que l'on a tout fait parce que l'on a éprouvé quelques pieux désirs. L'exemple proposé par saint Ignace se rapporte au premier degré de tentation, ou à l'amour des richesses, parce qu'il s'agit ici de délibérer sur le choix de l'état de pauvreté. Mais on peut, et l'on doit consulter le besoin spirituel de celui qui fait les exercices, et appliquer cette même méditation à toute affection déréglée. On peut de même, dit le Directoire, chapitre 29, numéro 7, se servir d'autres comparaisons, et supposer, par exemple, trois malades. Tous trois désirent recouvrer la santé. Le premier ne veut employer aucun remède, à cause de leur amertume, Il ne peut surtout supporter l'idée de l'amputation à cause de la douleur. Le second consent à faire usage des secours de la médecine, pourvu qu'il ne lui cause pas une trop vive répugnance. Le troisième s'abandonne sans réserve au médecin, et non seulement ne redoute point la diète, mais ne craint ni le fer ni le feu, si ces moyens violents sont nécessaires. Fin de la note. L'oraison préparatoire ordinaire. Le premier prélude à l'histoire qui doit servir de base à la méditation. Nous supposons ici trois classes d'hommes, composées chacune de deux personnes. Toutes les trois ont acquis 10 000 ducats, sans se proposer purement et uniquement le motif de l'amour de Dieu. Et elles veulent se sauver et trouver Dieu, notre Seigneur, dans la paix, en se déchargeant d'un poids qui les arrête, et en surmontant l'obstacle qu'elles rencontrent à leur dessein dans l'affection au bien qu'elles ont acquis. Note. Ont acquis 10 000 ducats. D'une manière légitime, fait remarquer le directoire, chapitre 29, numéro 4. Autrement, il ne pourrait pas être question de conserver la somme dont il s'agit. Le défaut peut donc avoir été un désir trop vif du gain, ou toute autre affection humaine est vicieuse. Cette méditation semble, au premier abord, présenter la difficulté suivante. Comment se fait-il que l'auteur des exercices, en ne supposant qu'un simple défaut de pureté d'intention, parle non seulement d'un certain trouble de l'âme, mais encore formellement d'obstacle au salut? À cette objection, je réponds que saint Ignace suppose une affection déréglée, et qu'une affection déréglée peut être un obstacle au salut, non toujours directement et par elle-même, mais par voie de conséquence. En effet, dans la pensée de l'auteur des exercices, cette méditation est, avec la précédente, une introduction ou préparation à l'élection. Or, une condition essentielle et indispensable pour faire une bonne élection est l'indifférence, à laquelle est directement opposée toute affection déréglée. Il ne s'agit pas de savoir jusqu'à quel point elle est déréglée, il suffit qu'elle le soit à quelques degrés, car dès lors il n'y a plus d'indifférence, et par conséquent plus d'assurance de faire une bonne élection. Mais en ne faisant pas bien l'élection, on court risque de manquer à sa vocation, en manquant à sa vocation, on expose son salut. Donc saint Ignace suppose avec raison qu'une affection déréglée peut être un obstacle au salut. La même méditation conserverait toute sa force quand il ne s'agirait point de l'élection, mais seulement de la réforme à introduire dans l'état de vie que l'on a embrassé, ou simplement des bonnes résolutions. Car une affection déréglée est toujours premièrement un poids qui appesantit l'âme, un poids qui retarde ou arrête ses progrès, enfant des hommes, jusqu'à quand aurez-vous le cœur pesant? Pourquoi aimez-vous la vanité? Psaume 4:3. Elle est de plus deuxièmement un obstacle à la paix intérieure, lorsque l'homme désire quelque chose d'une manière déréglée, aussitôt il ressent du trouble en lui-même. Imitation 1, chapitre 6. Enfin, elle peut être troisièmement un empêchement au salut comme il a été expliqué plus haut, car celui qui est infidèle dans les petites choses, le sera aussi, ou du moins s'expose à le devenir dans les grandes. Luc 16, 10. Fin de la note. Le second prélude est la composition de lieu. Ici, je me considérerai moi-même en présence de Dieu, notre Seigneur, et de tous les saints, dans la disposition de désirer et de connaître ce qui sera le plus agréable à sa divine volonté. Le troisième prélude est la demande de ce que l'on veut obtenir. Ici, je demanderai la grâce de choisir ce qui sera en effet le plus glorieux à la divine majesté, et le plus avantageux au salut de mon âme. Le premier homme, voudrait se défaire de l'affection qu'il éprouve pour le bien qu'il possède, afin de trouver Dieu, notre Seigneur, dans la paix, et de pouvoir opérer son salut, mais il n'emploie de fait aucun moyen avant l'heure de la mort. Le deuxième homme veut détruire cette affection, mais il le veut à la condition de conserver le bien acquis. Il voudrait amener Dieu à son désir, et il ne peut se déterminer à quitter ce qu'il possède pour aller à Dieu, quand même ce parti serait le meilleur pour lui. Le troisième homme veut aussi se dégager de cette affection, et il le veut de telle sorte qu'elle n'est pas plus portée à conserver la somme acquise qu'à ne pas la conserver. Il ne consultera, pour la retenir ou pour s'en défaire, que le mouvement intérieur de la grâce, et ce qui lui paraîtra le meilleur pour le service et la louange de la divine majesté. En attendant, il veut se conduire comme ayant tout abandonné de cœur, et s'efforce de ne désirer ni ce qu'il possède ni aucun autre bien sur la terre que dans la seule considération du service de la majesté divine, en sorte que le désir de pouvoir mieux servir Dieu, notre Seigneur, sera son unique règle pour se déterminer à retenir le bien qu'il a acquis ou à s'en dépouiller. Note. Ainsi, la première classe voudrait se dégager de l'affection déréglée, mais comme elle ne veut rien faire, rien sacrifier pour obtenir cette grâce, on ne peut pas dire qu'elle veuille véritablement, elle voudrait, mais elle ne veut pas. Or ce n'est pas la velléité qui sauve, c'est la volonté. La seconde veut se dépouiller de cette affection, elle est même disposée à employer quelques moyens, mais elle ne peut consentir à se défaire de l'objet de son affection, elle veut, mais imparfaitement. La troisième classe veut absolument se défaire de l'affection bien qu'elle possède, et, pour y parvenir, elle est prête à l'abandonner effectivement, et, en attendant que la volonté divine lui soit connue, elle abandonne tout de cœur, cette classe veut pleinement et parfaitement. Fin de la note. On terminera cet exercice par les trois colloques de la contemplation des deux étendards. Il faut remarquer que, quand nous éprouvons de la répugnance ou une affection contraire à la pauvreté actuelle, quand nous ne sommes pas dans une véritable indifférence entre la pauvreté et les richesses, il est très utile, pour détruire cette affection déréglée, de demander dans les colloques, malgré les mouvements de la nature, que le Seigneur daigne nous appeler à ce genre de pauvreté, en lui protestant que nous le voulons, que nous le lui demandons, que nous l'en supplions, pourvu que ce soit pour la gloire et le service de sa divine bonté. Note. Il faut remarquer. Cette remarque est de la plus haute importance, et saint Ignace y renvoie souvent dans la suite. Elle nous présente un moyen de vaincre la répugnance que l'on éprouverait intérieurement à embrasser ce que l'on aurait reconnu comme le plus avantageux. Ce moyen, c'est de prier avec persévérance, c'est de demander même malgré nous, même quand nous craindrions d'être exaucés, de demander cependant, et de demander instamment, et de protester, contre notre répugnance naturelle, que nous sommes prêts à embrasser la volonté de Dieu, quelle qu'elle puisse être. Cette sorte de prière est aussi efficace que méritoire, et le Sauveur a daigné nous en donner l'exemple dans son agonie au jardin des olives. Il ne faut donc pas omettre ces trois colloques, sous prétexte que nous n'éprouvons pas en nous les désirs qu'ils expriment, c'est au contraire une raison de les faire avec plus de constance et de fidélité, comme le recommande ici saint Ignace. Voyez sur le même sujet la 16e des 20 annotations. Au reste, il faut recommander cette pratique avec d'autant plus d'instance, que, le plus souvent, ce qui fait l'objet de notre répugnance est précisément ce que Dieu demande de nous, pour que nous le trouvions dans la paix, comme il est dit dans le premier prélude. Fin de la note.